franceinter.fr. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, l'affaire Laetitia Perret, connue également sous le nom de son assassin, Tony Meillon. Nous avons intitulé cette émission « Laetitia, les deux corps » du fait divers, tant cette histoire nous éclaire sur ce qu'est la fabrication de ce qu'on appelle le fait divers, le récit d'un drame humain et social, ainsi que la fabrication d'un sentiment qui va au-delà du crime, une mort publique qui s'échappe de la sphère intime pour devenir celle de tous, de la société, des médias, des politiques. Raconter l'histoire de Laetitia Perret, c'est s'immerger dans le quotidien d'une jeune fille de 18 ans à la vie cabossée qu'elle partage avec sa sœur jumelle, Jessica. Une vie qui fait escale dans la périphérie de Pornic, petite ville côtière de la côte atlantique où elle vit au sein d'une famille d'accueil. Au début de l'année 2011, Laetitia est une jeune fille, plus vraiment une enfant, mais pas encore une adulte, qui passe ses journées à dialoguer à distance avec ses amis, par texto, sur les réseaux sociaux, pour briser l'attente entre deux services à l'hôtel où elle travaille. Et puis un matin, elle ne répond plus. Pendant la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laetitia disparaît. Absente, elle devient omniprésente. Les vitrines des magasins, comme les pages Facebook, se recouvrent de son portrait. L'émotion des marches silencieuses dépasse la rue, le canton et se propage dans tout le pays. Aux côtés des enquêteurs et des juges, le politique retourne également sur les lieux du drame, entre dans la foule des inconnus, crie, s'indigne, demande des actes et tant pis pour la séparation des pouvoirs. Alors, de quoi l'affaire Laetitia Perret est-elle le nom? En quoi est-elle symbolique, mais aussi singulière, de notre époque, de nos mœurs, de notre justice et de notre classe politique? Pour en parler, nous recevrons en seconde partie d'émission Yvan Jablonka, historien et écrivain. Il a publié en août dernier un ouvrage bouleversant sur cette histoire, intitulé simplement « Laetitia ». Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Philippe Pierrard, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 18 janvier 2011, pavillon de Monsieur et Madame Patron. Vers 8h30, Laetitia se lève, jette un œil sur son portable, puis s'habille. La maison est presque vide. Jessica, sa sœur jumelle, est déjà partie attraper son bus qui l'amène au lycée. Pour Laetitia, et depuis septembre, c'est vers la Bernerie en Ré, l'hôtel de Nantes, où elle effectue une formation en alternance de serveuse qu'elle se dirige désormais. Comme chaque matin, sur son scooter, elle longe pendant 5 minutes ses pavillons entourés de haies bien taillées qui cachent de petits jardins. La maison de Monsieur et Madame Patron est semblable aux autres. Laetitia et sa sœur n'avaient pas encore 13 ans quand elles sont arrivées ici. Nées d'un père violent et d'une femme trop fragile pour être mère, les jumelles deviennent des enfants sans domicile fixe. Mais depuis leur arrivée ici, la vie disloquée de Laetitia et Jessica semble s'éloigner. Les jumelles rattrapent leur retard à l'école, partent en vacances, se font des amis et découvrent les premiers émois sentimentaux. Depuis l'an dernier, Laetitia sort avec Kevin, un garçon qu'elle a rencontré lors de sa dernière année de lycée. Après Noël, pour la première fois, elle dort chez lui et rencontre sa mère. Semaine après semaine, pendant cet hiver 2010, cette jeune fille s'éloigne des rives de l'enfance. Un soir, elle oublie même de prévenir sa famille qu'elle rentrera tard. Le père de cette famille d'accueil, Monsieur Patron, inquiet, la cherche et la retrouve chez une amie. Laetitia refuse de le suivre et le congédie sèchement. Ce 18 janvier 2011, avant de prendre son service à l'hôtel de Nantes, elle dialogue par texto avec Jonathan, le meilleur ami de Kevin. Par chance, cet après-midi, il est disponible et elle profite de son temps libre entre ses deux services pour le voir. À 15h, il l'attend sur le parking. Ils prennent la voiture, bavardent, s'embrassent, puis font l'amour. Ce jour-là, Laetitia oublie son âge, sa timidité, et suit tout homme qui lui sourit. Mais à 17h30, ce n'est pas au bras de Jonathan qu'on l'aurait discuté et prendre des photos aux barbes blouses, mais auprès d'un homme d'une trentaine d'années. Une heure plus tard, il l'accompagne jusqu'à son travail. L'un des apprentis de l'établissement de l'hôtel de Nantes arrive au même moment et surprend le couple improbable en pleine discussion. Il entend l'inconnu lancer à Laetitia « N'oublie pas, hein, c'est moi qui viens te chercher ce soir ». Elle acquiesce, puis monte se changer. À À la fin de son service, elle retrouve l'inconnu. Ensemble, ils retournent au Barbe Blouse, puis se rendent au Quai 46, un autre établissement qui jouxte le casino. Dès qu'elle est seule, un instant, elle pianote sur son portable. Ce soir-là, c'est William, un ami de son âge, qui joue les accompagnateurs à distance. À 00h35, il reçoit une série de textos. Je t'appelle tout à l'heure, j'ai un truc grave à te dire. Ton mec est au courant ? T'as trop bu, vomi. Non, ne t'inquiète pas, attends 10 minutes. Trop grave ? Ouais. Dis alors. Attends. T'as largué ton mec ou tu sors avec deux personnes à la fois ? Non, plus grave. Oui, beaucoup plus grave. À minuit, Laetitia l'appelle et lui indique avoir été violée. Une demi-heure plus tard, dans sa chambre, à la Rogère, Jessica, sa sœur, est réveillée par des portières qui claquent. William, lui, est encore réveillé. Laetitia ne l'a pas rappelé. Il lui envoie un dernier message qui ne sera jamais lu. Tu me fais peur. Réponds, je tiens trop à toi. J'ai pas envie de te perdre, s'il te plaît. Je t'aime, t'es la seule que j'ai en amie. Je t'aime trop pour te perdre. Je t'aime. Quelques heures plus tard, au petit matin du 19 janvier 2011, Jessica sort de chez elle. Seule dans la nuit éclairée par quelques réverbères, elle prend le chemin vers le rond-point où le bus du lycée passe. Mais sur la route, à quelques mètres de la maison des patrons, elle reconnaît jeté sur le sol le scooter de sa sœur. Les clés sont encore sur le contact. Cette nuit-là, sur la route de la Rogère, une jeune fille a disparu. De Laetitia, il ne reste que ces deux ballerines. Que s'est-il passé ? Ce 19 janvier 2011, alors que les pavillons se réveillent, que les cars scolaires passent, Monsieur Patron appelle la police. Jessica, elle, part en cours. En larmes, c'est elle qui prévient la première, son cercle d'amis, dont Kevin, de la disparition de Laetitia. Dans la journée, le jeune homme est entendu par les gendarmes, comme trois autres amis proches, dont un apprenti qui l'a vu avec l'inconnu. William, avec qui elle a dialogué par texto, mais aussi l'un des fils des propriétaires de l'hôtel de Nantes, sont là. La veille, celui-ci a joué toute la soirée à la console de jeu avec des amis. Vers 1h du matin, à sa fenêtre, il a aperçu Laetitia, casque de scooter à la main, dialoguer avec le conducteur d'une 106 blanche. Elle semblait en colère contre lui. Après le lycée, l'hôtel de Nantes, les gendarmes recueillent les confidences des clients du Barbe Blouse et du Quai 46. La dernière personne qui a été vue avec Laetitia, bien un homme d'une trentaine d'années. Il mesure environ 1,85 m, brun, cheveux coiffés en arrière, vêtu d'une veste en cuir et d'un sweat à capuche. À 16h53, le site du journal Ouest France publie une première alerte, ainsi libellée, « Disparition inquiétante d'une jeune fille à la Bernerie en Ray ». Le lendemain matin, la nouvelle se propage au-delà de la petite commune. Le nom de Laetitia est sur toutes les lèvres et sur tous les posts publiés sur leur page Facebook par les proches de la disparue. Son visage s'affiche sur les devantures de la rue commerçante, puis sur les chaînes d'information nationale. Laetitia, 18 ans, disparue dans la nuit de mardi à mercredi dans la région de Pornic, reste ce soir introuvable. Ce soir, d'importantes recherches ont été déployées pour retrouver une jeune femme de 18 ans disparue la nuit dernière à Pornic, en Loire-Atlantique. Laetitia, une jeune femme de 18 ans. Mardi, comme tous les soirs, elle quitte ce restaurant où elle travaillait, mais jamais elle n'a rejoint son domicile. Elle a fait son service le midi, son service du soir, et voilà. Et en partant, elle m'a dit au revoir, à demain, Marie, tout simplement. Le scooter de Laetitia a été découvert ici, mercredi matin, vers 7h. Mais vers 7h, son scooter est retrouvé couché sur le bord de la route, ainsi que l'une de ses chaussures. Cet après-midi, une bâche noire a été installée à l'endroit où le scooter de Laetitia a été retrouvé, à une centaine de mètres du domicile de sa famille d'accueil à la Bernerie en Ré. Selon ses proches, Laetitia est une jeune fille sans histoire qui vivait ici dans une famille d'accueil. Les gendarmes ont très vite identifié l'inconnu à la 106 blanche qui a été vue la dernière fois avec Laetitia. Il s'agit d'un certain Tony Meillon, ferrailleur, condamné à 13 reprises. Le soir du signalement de la disparition de Laetitia, une première reconnaissance est effectuée dans le petit hameau des 5 maisons où il vit. Le 20 janvier 2011, à 4h30 du matin, les hommes du GIGN se positionnent. Une équipe se dirige vers la caravane, l'autre longe les murs de la maison. Une explosion éclate, le GIGN pénètre dans la maison. L'homme est à terre, blessé par un projectile lors de la destruction de la porte. Il est arrêté, puis emmené aux urgences. Laetitia n'est pas là. Mais quand les gendarmes ouvrent la voiture 106 blanche, ils trouvent une carabine et du sang dans le coffre. Le lendemain, la procureure de la République, Florence Lecoq, confirme l'information. Les traces relevées dans le coffre du véhicule et du sang humain. Les analyses sont en cours pour savoir si elles correspondent ou pas à, à l'ADN de la victime. Aucune piste n'est exclue. On est en train d'essayer de reconstituer un scénario avec les investigations et les éléments que nous trouvons au moment de l'enquête. Je ne peux pas extrapoler sur une thèse qui n'est pour le moment pas confirmée par les indices objectifs que nous pouvons recueillir à la procédure. Vous espérez toujours retrouver Laetitia vivante ? Plus le temps passe, plus cet espoir, hélas, s'amenuise. La disparition revêt désormais les habits du crime. Alors que les enquêteurs poursuivent les recherches aux alentours de la maison et des lieux que Tony Meillon côtoie, dans la presse, ce sont les vies parallèles de la disparue et de l'accusée qu'on découvre. Laetitia est dépeinte comme une fille timide, naïve, toujours souriante, tandis que Tony Meillon lui apparaît froid, austère, violent, récidiviste. Les lignes de son CV sont une succession d'incarcérations et de délits pour lesquels il a été jugé. Tony Meillon découvre la prison à l'âge de 16 ans, à la suite d'une première condamnation à 3 mois pour vol. Un an plus tard, en détention dans un établissement de mineurs, il commet son acte le plus grave en agressant sexuellement un codétenu à l'aide d'un balai. Pour ce viol, il est condamné à 5 ans. À chaque remise de liberté, il rechute. Quand le 20 janvier 2011, il est arrêté par les gendarmes de Pornic, il est libre depuis 11 mois. Devant eux, il raconte sa version des faits. Oui, il reconnaît avoir vu Laetitia, avoir passé avec elle l'après-midi, puis une partie de la nuit. Mais il parle d'un rapport sexuel. En la quittant sur le parking de l'hôtel de Nantes, Laetitia aurait oublié la paire de gants qu'il lui avait offerte. Il tente de la rattraper, mais il roule vite, trop vite. Alors il la percute, involontairement, selon ses dires. La jeune fille ne bougeant plus, il aurait été pris de panique. Il l'aurait soulevée, mise dans le coffre, puis jetée du haut du pont de Saint-Nazaire. Le soir du 21 janvier, les expertises génétiques confirment que le sang découvert dans le coffre de la 106 est bien celui de Laetitia. Chez les patrons, au sein de la famille d'accueil, il n'y a plus d'espoir. C'est clair que c'est trop difficile. Quand on le voit chez les autres, on ne pense pas que ça puisse nous arriver. C'est affreux. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est les juges qui remettent pas des traqués à la porte, quoi. Il a pris la vie de Laetitia, il nous prend notre vie aussi, puisque tout... c'est vraiment écœurant. L'espoir de la retrouver vivante, vous y pensez encore ? Non, plus maintenant. Non. Ce matin, c'est la colère. La colère, parce que l'attente est trop longue et il faut qu'il nous la redonne. Il faut qu'on la retrouve, il faut qu'on puisse lui donner une sépulture décente. On espère quand même qu'elle, quelque part, on a encore notre petite fille quelque part, mais vivante. Donc je ne crois plus. L'angoisse a laissé place à la colère dans l'esprit des proches, comme des inconnus qui les accompagnent à distance dans leur malheur. Lors de la première marche silencieuse, ils sont des centaines à refaire la dernière route de Laetitia, du parking de l'hôtel de Nantes jusqu'à l'endroit où on a retrouvé le scooter. Au micro des journalistes, beaucoup s'interrogent sur les raisons du maintien en liberté du principal accusé. La justice a-t-elle laissé un homme dangereux dans la nature, voire un fou ? Est-elle coupable du malheur qui vient de survenir ? 2 jours plus tard, c'est le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui se saisit du drame. Lors d'un déplacement sur l'un des chantiers de Saint-Nazaire, il prend la parole et demande à ce que soient prises rapidement des mesures contre les récidivistes. Qu'il me soit permis avant toute chose d'exprimer ma très grande émotion et ma profonde compassion à l'endroit de la famille de Laetitia Perret, qui est aujourd'hui dans la douleur et dans l'angoisse. Mes pensées, comme celles de tous les Français, vont vers cette jeune fille disparue à Pornic, dans des conditions qu'il appartiendra à la justice d'éclaircir, mais qui, hélas, laisse aujourd'hui craindre l'indicible. Un tel drame ne peut rester sans suite. De tels actes criminels, si l'enquête les confirme, ne peuvent rester impunis. Je souhaite que la justice travaille très vite très efficacement afin que toute la vérité soit connue. Je recevrai la famille dès mon retour, mais je veux vous dire que la récidive criminelle n'est pas une fatalité et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. C'est pas possible. Il faut attendre de voir, mais si c'est l'indicible, il faudra des décisions et pas des commissions de réflexion. Il y a eu trop de cas comme celui-ci. Alors que les enquêteurs scrutent l'estuaire de la Loire à l'aide d'un sonar à la recherche du corps de la disparue, le président de la République jette la lumière sur le parcours du principal suspect et sur les raisons de sa liberté. Déjà, du temps où il était ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy a toujours préféré répondre à l'émotion par l'action ou l'annonce de l'action. Ainsi, depuis 2006, pas moins de 5 lois ont été votées sur la question de la récidive, notamment au sujet des délinquants sexuels et souvent à l'occasion d'un fait divers. Le principal accusé dans l'affaire Laetitia Perret fait-il partie de cette catégorie ? Non, il n'a jamais été condamné pour des agressions sexuelles contre des femmes ou des enfants. Peu importe, pour l'instant, la colère est plus audible que l'information. 6 jours plus tard, le 31 janvier, le président de la République reçoit la famille d'accueil à l'Élysée. Au même moment, loin de l'agitation médiatique, les gendarmes de Pornic poursuivent les auditions. Et ce jour-là, c'est l'ex-compagne de Denis Meillon qui est longuement interrogée. Face aux enquêteurs, elle peint le portrait d'un homme instable et violent. Avant de partir, elle leur confie le pressentiment qui la hante depuis des jours. Si Tony est l'assassin, il n'a pu se débarrasser du corps que dans un endroit qu'il connaît. Et précisément, elle se souvient de cet étang là-bas, à l'abri des regards, où il aimait aller pêcher un plan d'eau accessible par un chemin de terre. Il s'appelle l'étang du Trou Bleu. Dès le lendemain, le 1er février, des plongeurs sont sur place. À leur arrivée, ils découvrent un espace sans âme qui vive. Le ciel est bas, gris. L'atmosphère est humide, silencieuse. Ils s'engouffrent dans l'eau. La visibilité est presque nulle. Il faut tâter le sol avec les mains. Et puis tout à coup, l'un des plongeurs sent une sorte de grillage. Il remonte, demande de la lumière, puis replonge. Et là, il voit une nasse constituée d'un grillage d'où s'échappe une mèche de cheveux et des doigts. On boucle les lieux, on contacte le juge d'instruction et le médecin légiste. L'information se diffuse, les journalistes font route eux aussi vers les lieux de la découverte. À 16h, Xavier Ronsin, le procureur désormais en charge du dossier, s'avance vers eux et déclare. Il s'agit d'un lieu qui est fréquenté par Tony Meillon, qui y allait assez souvent, notamment pour pêcher. Et le visage de la jeune femme qui est sortie de l'eau ressemble à celui de Laetitia. Je précise que manifestement ce corps a été découpé puisque nous n'avons découvert aujourd'hui qu'une tête, 2 membres inférieurs, 2 membres supérieurs et pas encore le tronc de cette jeune femme. Ce 1er février 2011, Laetitia n'est plus une disparue mais un corps disloqué dont il manque encore le buste. Après 18 années d'une vie sans jamais quitter sa sœur, Jessica, elle, est désormais une jumelle sans sœur qui doit continuer à vivre seule dans cette famille d'accueil. Le corps de Laetitia ne lui appartient déjà plus, mais il devient celui de tous, l'incarnation de l'horreur, de la haine et de la colère partagée. Au lendemain de la découverte macabre, lors d'un déplacement au commissariat d'Orléans, le président de la République réitère ses attaques contre l'institution judiciaire. L'affaire Laetitia Perret devient alors une affaire d'État. Il y a toujours eu, et il y aura toujours, des détraqués, dont le comportement est monstrueux. Je dis monstre, parlant du cas de Laetitia, parce que je crois qu'il y a un moment où il faut employer les mots qui correspondent aux situations. Dans l'affaire de Laetitia, le présumé coupable a été arrêté, des charges très lourdes pèsent contre lui, très lourdes. Mais il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Grave. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. Au lendemain de cette déclaration, une partie de la magistrature se met en grève. Les hommes de loi font-ils diversion ou se battent-ils pour éviter que le fait divers ne fasse la loi? 12 jours après un mouvement sans précédent ponctué de grèves et de manifestations dans toute la France, les syndicats de la magistrature appellent à la reprise des audiences après la publication du rapport d'inspection qui met la justice hors de cause. Ce rapport pointe néanmoins les carences de l'organisation du service. En effet, la dernière peine de prison de Tony Meillon était assortie d'une mise à l'épreuve. À sa sortie, en février 2010, il aurait dû être convoqué pour répondre à un certain nombre d'obligations. Ça n'a pas été le cas. Dans l'intervalle, plusieurs personnes portent plainte contre lui, dont son ex-petite amie pour menace de mort et agression sexuelle. Le 4 janvier 2011, à la suite d'un mandat de recel de voiture, son nom est inscrit au fichier de personnes recherchées pour ce genre de délit. 14 jours plus tard, c'est à bord de cette voiture volée qu'il percute Laetitia, puis l'emporte chez lui pour l'assassiner. Février 2011, bureau du juge d'instruction, il est 10h. Les parties civiles de l'affaire Laetitia Perret sont invitées à entrer. Jessica est accompagnée par sa famille d'accueil, les patrons ainsi que de ses parents biologiques, Franck et Sylvie. Quand le juge voit le visage de Jessica, c'est comme si le fantôme de Laetitia s'asseyait devant lui. Il y a 6 jours, rappelons-le, on a retrouvé dans une nasse tenue au fond d'un étang les bras et les jambes tranchés ainsi que la tête de Laetitia. Et c'est sur la base de toutes ces horreurs que ce 7 février, le juge Martineau a la lourde tâche de leur présenter les résultats de l'autopsie et les raisons de la mort de la jeune fille. Le rapport prouve qu'elle a été violemment frappée, puis étranglée. Alors qu'elle rendait son dernier souffle, l'assassin l'a lardée de 44 coups de couteau. Le corps a été ensuite découpé à la hauteur des genoux, des bras et de la tête. Les experts ont retrouvé du liquide prostatique, l'un des éléments du sperme, dans la bouche de la victime. A-t-elle été violée? On ne peut pas le savoir. Les analyses montrent également que Laetitia a consommé du shit dans l'après-midi ainsi que de la cocaïne en soirée. Quelques jours plus tard, le 11 février, c'est Tony Meillon qui est extrait du centre pénitentiaire pour être présenté au juge. L'homme refuse de parler. Tout au long de son incarcération, il change d'attitude selon les circonstances. Il joue parfois à la provocation en se moquant des enquêteurs et de Laetitia. Devant les juges, il préfère le silence. À quelques reprises, l'armure se fissure pourtant. À la fin mars, alors qu'on le transfère vers une unité de malades difficiles, d'une voix posée, comme un flash qui revient, il se confie à l'un des hommes qui le surveille et il lui dit « Je heurte le cyclo. Elle tombe. Je m'arrête à sa hauteur. Elle est blessée. Elle respire encore. Son pied saigne au bas de la cheville. Je lui retire son casque. Je la mets dans le coffre. Je pose le corps dans le hangar. Il y a du grillage vert. Je découpe la tête. Les dents claquent. Je m'évanouis. » Après la découverte des premières parties du corps, les enquêteurs poursuivent leurs investigations à la recherche du buste. Pendant de longues semaines, dans l'arrière-pays de Pornic, les enquêteurs fouillent inlassablement les fossés, les étangs, puis espèrent qu'avec le beau temps, le corps de Laetitia ressurgira. De fait, le 9 avril 2011, en début d'après-midi, une promeneuse aperçoit un tronc humain qui flotte sur l'étang de Briord. Tout recommence. On boucle la zone, on contacte les plongeurs, les juges et les enquêteurs, on installe une tente blanche. Les hommes plongent, le corps est sorti de l'eau. En fin de journée, l'information est officielle. Ce jour-là, la tante de Laetitia publie un message sur la page Facebook de sa nièce. « On t'a enfin retrouvé. Maintenant, tu vas pouvoir partir en paix. » Le 25 juin 2011, Laetitia est enterrée devant les caméras. Près d'un millier de personnes s'est rassemblée cet après-midi dans et autour de la petite église de la Bernerie en Ré pour rendre un dernier hommage à Laetitia. Amis, camarades de la jeune fille ou anonymes, tous ont à l'esprit les horreurs subies par Laetitia, mais aussi le calvaire enduré par sa famille. Ce qu'ils ont enduré depuis le mois de... Ça s'est passé au mois de janvier maintenant, c'est affreux ce qu'ils ont pu endurer. Voyez, elle est enterrée qu'aujourd'hui, c'est la souffrance qu'ils ont eue pendant 4-5 mois, quoi. Donc on soutient tout le monde, quoi, toute la famille. Il n'y a pas de mots pour réconforter la famille. On ne peut qu'être présent. Laetitia représente tous les enfants, tous les jeunes qui décèdent, toutes les femmes qu'on assassine. Enfin bon, voilà quoi. Et c'est, ça fait mal, quoi, parce que ça continue toujours et qu'on ne fait rien. Aux abords de l'église, sous la halle du village, un autel a été dressé pour la circonstance. Devant la photo de Laetitia, l'atmosphère est recueillie et l'émotion palpable. Ses obsèques, les parents de la jeune fille ont souhaité les partager, notamment avec les habitants de la Bernerie, comme une parenthèse dans un processus long. À la fin de l'été, alors que les quarts régis ont quitté les lieux, sur la route de la Rogère, de nouveaux corps et âmes meurtries sortent de l'ombre. Le 8 août 2011, deux jeunes filles en effet portent plainte contre Monsieur Patron. Oui, ce Monsieur Patron dont nous parlions tout à l'heure, le père de la famille d'accueil. Plainte pour des attouchements et des caresses qu'elles ont subies. Et quelques jours plus tard, c'est Jessica, la sœur de Laetitia, qui porte plainte à son tour. Le 17 août, Gilles Patron est mis en examen pour agression sexuelle et viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. Jessica doit de nouveau faire ses valises. Elle est placée dans un foyer, quitte ses amis, son sport et le cimetière où Laetitia demeure désormais. Quelques mois plus tard, en mai 2012, alors que la justice clôt l'instruction de l'affaire Laetitia Perret, Gilles Patron est remis en liberté avec un bracelet électronique et avec l'interdiction d'entrer en contact avec les plaignants ou avec des mineurs autres que ses petits-enfants. Le 22 mai 2013, au premier jour du procès de Tony Meillon, il est présent mais il évite désormais les micros. Alors, pendant deux semaines, les témoins comme les journalistes revivent la journée du 18 janvier 2011. Le départ de Laetitia pour l'hôtel de Nantes, son après-midi avec Jonathan, puis sa rencontre avec Tony. Au début de l'enquête, les gendarmes ne disposaient que des dernières confidences téléphoniques de Laetitia, ses textos envoyés à William et les quelques photos sur un portable. Désormais, tout l'enjeu est de savoir ce qui s'est passé du côté de l'assassin. Selon lui, ce 18 janvier était un après-midi agréable. Il s'est promené sur la plage avec Laetitia. Pendant son service du soir, il est parti lui acheter des gants, puis il l'a amené au Barbe Blues et au Quai 46. Il reconnaît leur relation sexuelle, mais il refuse de parler de viol. Et pourtant, à 4h17, il envoie ce SMS à Laetitia. Je suis désolé pour ce soir. J'avais bu un coup de trop. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être comme ça, aussi insistant. Excuse-moi. Je peux attendre comme tu me l'as demandé. J'espère que tu es bien rentré et que tu garderas les bons moments de cette journée. Bise, Tony. Pourquoi écrit-il ces mots alors qu'il l'a déjà assassiné? C'est que, depuis la fin d'instruction, Tony Meillon a fait évoluer son scénario. Désormais, il parle d'un certain Monsieur X, qui aurait eu l'idée de faire disparaître le corps de la jeune fille comme dans la série télévisée Dexter. Et c'est selon ses conseils que Tony aurait commencé à découper le corps de Laetitia, puis se serait évanoui. À la fin du procès, Tony Meillon reconnaît la fellation, les coups de couteau, mais il nie le meurtre, le démembrement et la double immersion du corps. Le 5 juin 2013, il est condamné à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 22 ans et d'une rétention de sûreté. Le 11 juin, il fait appel. Lors du second procès, la peine est confirmée. En mars 2014, c'est Gilles Patron qui se retrouve devant la justice. À la barre, Jessica raconte les attouchements, les pénétrations qu'il lui a imposées dans la salle de bain, sur le canapé, dans la voiture ou bien encore dans le camping-car. La jeune fille raconte le refus, puis le corps qui se déconnecte. Pendant des années, elle a porté ce secret, elle a accepté ce deal pour éviter de partir, de quitter ses amis. Le 28 mars 2014, Gilles Patron est condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol et agression sexuelle sur 5 victimes, dont Jessica. Quelques semaines plus tard, le 4 mai 2014, Jessica fête ses 22 ans. C'est le 4e anniversaire qu'elle célèbre sans sa sœur jumelle. Ce jour-là, accompagnée de 2 amis, elle souffle ses bougies sur une tartelette qu'elle coupe en 4. Fini le temps du fait divers, des marches blanches et des enquêteurs, les caméras comme les politiques ont quitté les rues et la périphérie de la ville balnéaire. Jessica, elle, poursuit sa vie sans Laetitia. I cracked the darkness. I got the darkness, drinking from your cup. I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. L'affaire Laetitia Perret avec notre invité aujourd'hui, Yvan Jablonka. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes historien et écrivain et c'est vous qui avez écrit ce livre, Laetitia, qui reçoit d'ailleurs depuis sa publication l'éloge des critiques. Et ce sont des compliments mérités parce que vous arrivez à nous raconter l'histoire de ce fait divers, son récit médiatique, son récit judiciaire, mais aussi l'histoire de Laetitia, son parcours, sa vie avec Jessica, ses passions. D'ailleurs, pour ce livre, vous avez rencontré l'ensemble des protagonistes de l'affaire, dont la sœur de la victime qu'on n'avait jamais entendue, je crois, dans les médias. Vous avez pu consulter son compte Facebook, parce que le compte Facebook, c'est une vraie boîte noire de la vie de nos adolescents. Vous êtes également allé sur les différents lieux de sa vie, comme ceux de sa mort. Nous y reviendrons. Quand êtes-vous intéressé à cette histoire et pourquoi vous s'intéresser à cette histoire-là, cette histoire précise de Laetitia? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y intéresser jusqu'à en écrire un livre? J'ai entendu parler de Laetitia Perret comme des millions de Français au moment de sa disparition en 2011. Et là, on était dans une situation paradoxale parce que Laetitia était présente partout, mais parce qu'elle était absente. Elle était vivante, parce qu'en fait, elle était déjà morte. Mmh. Et il a fallu plusieurs années pour que je m'intéresse, non pas à sa mort, mais à sa vie. Et il y a eu ce changement de perspective qui s'est opéré en moi, 3 ans après, en 2014, parce que c'est le moment où il y a eu les procès. Le procès Meillon, puis le procès de Monsieur Patron. Et là, il y a eu un renversement de perspective qui s'est opéré dans mon esprit, parce que j'ai compris que Laetitia avait eu une vie avant sa mort. Alors ça pourrait paraître une lapalissade, mais dans le cas d'un fait divers, en fait c'est bien ça dont il s'agit. C'est-à-dire la victime, elle est là pour ça. Elle est là pour avoir été violée, massacrée, dépecée, que sais-je encore. Mais on oublie que c'était comme quelqu'un comme vous et moi, comme nous tous, taillé dans la même étoffe, avec des passions, des amitiés, des amours, des projets, une normalité. Et c'est là que j'ai compris quel était le caractère radieux, positif, profondément enjoué de Laetitia. Alors, c'est vrai que Laetitia a eu ce qu'on appelle une enfance très difficile. Elle a grandi entre les parloirs de prison, les caves. Elle était un peu une enfant SDF, enfin ballottée. Elle a eu une enfance fracassée. Et en même temps, ce que j'ai trouvé formidable, extraordinaire dans sa personne, c'est qu'elle était... elle était positive, elle était radieuse, elle avait l'avenir devant elle. Et comme tous ses proches me l'ont dit, on se prenait à l'aimer au premier regard. Elle faisait du bien à ses proches. Ce que vous nous dites, c'est que le fait divers, fait extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire, vient frapper la vie de gens ordinaires, comme vous et moi. C'est l'intrusion du fait divers dans une vie ordinaire qui vous frappe. Le fait divers, c'est l'arrivée de la violence extrême dans la vie quotidienne. Oui. On mène tous notre vie, et puis tout à coup, sans prévenir, la violence éclate et brise des vies. Et vous dites, c'est comme la, je vous cite, page 348, comme la petite saga bestiale qu'on trouve dans le journal, cette baudruche de sensationnel, ça, c'est votre analyse du fait divers, mais surtout, vous précisez plus loin, et on va s'arrêter sur cette phrase, le fait divers émeut les gens, mais surtout, il nous parle d'eux. De quoi, que nous dit cette affaire Laetitia Perret de nous, de notre société, précisément? Il y a beaucoup de gens qui méprisent les faits divers, qui trouvent qu'on dit même les chiens écrasés, comme s'il s'agissait de des chiens. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que le fait divers est un fait démocratique, qui n'a rien de divers. C'est un fait démocratique tout simplement parce qu'il nous parle des gens. Il nous fait comprendre leur vie quotidienne, leur passion, leur part d'ombre. Et donc, j'ai moins voulu parler du fait divers en tant que tel que des vies qu'il nous fait découvrir, et avant tout, bien sûr, la vie de Laetitia. Donc, ce fait divers, pour moi, ça a été l'occasion de faire le portrait de la société française des années 2010. Mmh. On va à l'Élysée, on va au tribunal de grande instance de Nantes, on va dans les grandes rédactions des grands organes de presse nationaux. Ça, c'est pour les piliers de notre démocratie. Mais le fait divers nous permet aussi de comprendre la vie quotidienne, nos vies. On entre dans le lycée professionnel de Laetitia et de Jessica, on monte dans le quart de ramassage qu'elles prenaient tous les matins, on découvre la petite station balnéaire où elles ont vécu. Laetitia était une fille de son âge, elle aimait les bains de mer, elle aimait prendre un coca à la terrasse avec des copines, elle avait son compte Facebook comme tout le monde, elle envoyait 150 textos par jour comme tout le monde, et c'est ça que j'ai trouvé profondément émouvant et même bouleversant, parce que au-delà de la mort, on peut rencontrer Laetitia. Juste une dernière considération sur le fait divers. Vous ne pensez pas, comme Pierre Bourdieu, qu'il peut faire aussi diversion en détournant l'attention du public des sujets essentiels que sont l'économie, la politique, le social, le culturel? Il empêche finalement, de façon assez sournoise, le citoyen d'exercer son droit démocratique. Ça, c'est ce que dit, ce que dit Pierre Bourdieu. J'ai cité Bourdieu, bien sûr. Mais on est en droit de poser la question inverse. Est-ce que la vie des gens, leurs épreuves, leurs souffrances, est-ce que ce sont pas des sujets capitaux? Par exemple, moi, il m'a paru que la vie de Laetitia n'était pas du tout anecdotique, parce que la vie de Laetitia, elle nous fait remonter les siècles. Elle nous parle de la vulnérabilité des enfants séparés de leurs parents. Elle nous parle des violences subies par les femmes. Elle nous parle de la société française, avec sa misère de masse d'un côté, ses violences de l'autre, des manipulations politiques, enfin. Et ça, je crois que c'est des sujets non seulement passionnants pour l'historien et écrivain que je suis, mais ce sont des sujets fondamentaux pour notre société. Et dans son œuvre immense Surveiller et punir, quand Foucault nous dit que le fait divers légitime aussi la répression, et ça a renvoyé aussi à l'incarcération dans des prisons dont on connaît l'État, hein, en France. Bon, c'est une question très, très politique, mais je vous la pose parce qu'on va arriver sur un terrain aussi politique concernant cette affaire-là. Mais vous avez raison de poser cette question. C'est vrai que le philosophe Michel Foucault, au milieu des années 70, s'est intéressé à la naissance de la prison, aux criminels, à ce qu'il appelait les illégalismes. Mmh. Et ça nous fait réfléchir. Maintenant, je crois que les criminels sont pas des victimes. Les criminels sont des criminels. Laetitia et Jessica, ainsi que leur mère, sont plutôt du côté des victimes. Et pour ma part, j'ai aucune fascination pour les criminels. Aux criminels, j'ai préféré non pas la victime, parce que ça, c'est toujours renvoyer les gens à leur mort, mais plutôt l'absente, la disparue. Mmh. Et c'est de cette manière dont j'ai envie de parler de Laetitia. Laetitia, elle est absente. Elle pourrait nous entendre, mais elle peut pas nous parler. Et je voudrais parler d'elle comme si elle était encore vivante. Alors, l'affaire devient politique à partir du moment où Nicolas Sarkozy entre dans la danse. Alors, il le fait à plusieurs reprises, hein, on l'a rappelé pendant le récit, après l'arrestation de Tony Meillon, notamment, en demandant notamment des mesures contre les délinquants sexuels multirécidivistes. Or, c'est pas forcément le cas de Tony Meillon. Et puis, alors, la seconde intervention de Nicolas Sarkozy, donc, à Orléans, cette fois, elle met le feu aux poudres dans les milieux judiciaires. Et je vous propose d'écouter un extrait d'un sujet qui avait été diffusé sur France Inter, sur cette mobilisation des magistrats. La colère monte, elle devrait même se percevoir dès le début de la semaine. L'Union syndicale des magistrats, syndicat majoritaire, réunie cet après-midi à Paris, appelle en effet dès lundi à un blocage des audiences. Dans le palais de justice sur l'île de la Cité, c'est le calme pour l'instant avant la tempête. Un calme apparent seulement pour Christophe Régnard, le président de l'USM. Je crois qu'on est déjà dans la tempête. L'affaire Tony Meillon, c'est le problème des peines qui ne sont pas exécutées en France. Le garde des Sceaux disait lui-même qu'il y en avait 100 000 et qu'objectivement, ça n'est pas de la responsabilité des magistrats ou des policiers si l'État n'est pas capable de donner les moyens nécessaires pour permettre que ces peines soient effectivement suivies des faits. Et nous ne voulons plus assumer cette responsabilité parce que parmi ces 100 000 peines non exécutées, combien d'autres Tony Meillon y a-t-il? Combien d'autres Laetitia devront nous subir avant qu'enfin on nous donne les moyens d'une justice dotée de la facilité de mener à bien l'ensemble des missions qui nous sont confiées? Même analyse pour cette jeune avocate parisienne, Clotilde Lepetit. L'exaspération est montée d'un cran après les déclarations du chef de l'État. Moi en tout cas, elle monte beaucoup et je suis effondrée de ce type de discours qui discrédite en permanence les magistrats maintenant qu'on leur donne les moyens de faire les choses bien. Une autre voix inhabituelle s'est fait entendre aujourd'hui, celle des premiers présidents de la Cour d'appel, les hauts magistrats ne cachent pas leur inquiétude. Quel regard vous portez sur l'intrusion du politique sur le terrain judiciaire, qui peut aussi nous renvoyer à la question de la séparation des pouvoirs, hein, une question plutôt grave celle-là. Mais enfin, sans aller jusque-là, et pour être très concret, en fonction de cette affaire-là, quel regard vous portez sur les interventions de Nicolas Sarkozy ? Ça faisait longtemps que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et président de la République, intervenait à chaque fait divers pour réclamer une nouvelle loi contre la récidive. C'est vrai que quand il est arrivé à l'Élysée, Nicolas Sarkozy a toujours fait preuve d'une grande compassion à l'égard des victimes. Et ça, faut le souligner. Il a toujours invité les familles de victimes à l'Élysée et il leur a fait part de la solidarité de la nation tout entière. Mais un président de la République, c'est aussi quelqu'un qui respecte la séparation des pouvoirs, qui assure la continuité des services publics et puis, comme le dit la Constitution, qui garantit l'indépendance de la justice. On a entendu tout à l'heure le président de la République parler à propos de Tony Meillon de monstres. Mais les monstres, ça existe dans les contes de fées et dans les dessins animés, mais pas dans la justice des hommes. Il parle aussi de présumés coupables. Oui. Et comme le disaient les révolutionnaires dans la Déclaration des droits de l'homme, on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est une forme d'empiètement du politique sur le judiciaire qui est en soi un dysfonctionnement. Alors, des dysfonctionnements, il y en a eu d'autres dans l'affaire. Est-ce que la justice, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements du côté de la justice, pour le coup? La justice a-t-elle failli dans cette affaire, notamment dans le suivi de ce Tony Meillon qui va en prison, qui ressort et qui y retourne? Des phrases comme « la justice a failli », ça n'a aucun sens. Il y a plusieurs acteurs de la justice. Tony Meillon a un casier judiciaire long comme le bras. Donc, voilà, il faut un petit peu savoir de quoi on parle. Ce qui est vrai, c'est que quand Tony Meillon sort de prison en 2010, il a purgé toutes ses peines, hein, donc c'est pas un monstre qu'on lâche dans la nature, il a purgé ses peines. Eh bien, il y a un sursis avec mise à l'épreuve qui n'entre pas en vigueur. C'est-à-dire qu'il devait être suivi par un conseiller d'insertion, et ce n'est pas le cas. Ça, en ce sens... Il y a un problème là quand même. Bien sûr, ça s'appelle un dysfonctionnement. Maintenant, il faut s'interroger à froid sur la raison de ce dysfonctionnement. Est-ce que c'est parce que la justice a failli, comme vous le laissiez entendre, ou non, j'ai posé la question. Oui, bien sûr. Hein. Ou est-ce que c'est parce que la justice travaille dans des conditions très difficiles, avec la loi du toujours plus rapide, toujours moins cher, dans des conditions de paupérisation qui font qu'elle est plus capable de suivre les gens en milieu ouvert? C'est une réflexion qu'on ne peut pas avoir de manière démagogique ni populiste. Il faut y réfléchir tranquillement. Justement, à propos de populisme, que voulez-vous dire dans ce mot qui est le titre du chapitre 28 de votre livre, page 193, le criminopopulisme ? Le criminopopulisme, c'est le fait de se saisir du moindre fait divers pour dire que les lois ne sont pas appliquées, qu'il y a trop de criminels en liberté. Bref, pour laisser entendre aux Français qu'ils ne sont pas entourés de concitoyens, mais de monstres et de voyous. Et ce que j'ai trouvé, moi, fascinant dans cette enquête, c'est qu'une enquête, c'est pas mené par des justiciers. C'est pas des cow-boys, les juges d'instruction et les procureurs de la République. Ce sont des gens qui font une enquête dans le cadre de l'état de droit. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que Laetitia en a retrouvé son corps, non pas en poussant des cris et en menaçant les uns et les autres, mais en enquêtant. Il y a un autre personnage qui a joué un rôle important dans la montée de l'indignation dans cette affaire, un homme qui a reçu, pourtant Nicolas Sarkozy, hein, il avait dit « je recevrai la famille d'accueil », c'est Gilles Patron, le père de cette famille d'accueil, accusé ensuite et jugé pour... un crime sexuel, évidemment, donc ça a rajouté, ça a remis de la lourdeur dans une affaire qu'on avait beaucoup. Je vous propose d'écouter un mix de ces différentes interventions. Alors qu'il comparaissait libre, Gilles Patron a quitté le box des accusés entre deux policiers, effondré après sa condamnation à 8 ans d'emprisonnement, direction la maison d'arrêt de Nantes. La cour d'assises l'a notamment reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur Jessica, la sœur jumelle de Laetitia Perret, quand elle était placée chez lui alors qu'elle était mineure. Un soulagement pour la jeune femme d'avoir été crue, explique son avocate, Maître De Oliveira. Il était essentiel pour Jessica d'être pleinement reconnue dans le fait d'avoir été victime alors qu'elle avait moins de 15 ans et qu'elle venait d'arriver dans cette famille d'accueil. La cour d'assises rend un verdict pour elle pleinement satisfaisant. Hier encore, Gilles Patron a contesté les accusations des autres victimes que Jessica, cas, sur les 5 plaignants, il n'a été acquitté que pour un mineur. La cour d'assises ordonne également l'inscription de Gilles Patron au fichier des délinquants sexuels et une obligation de soins à sa sortie de prison. Bon voilà, c'était pas vraiment un mix des interventions de Gilles Patron, mais c'était bien autour de lui. Oui, donc ce cas Gilles Patron a rajouté de la gravité. Comment ça a été perçu? Parce que c'est terrible quand même, parce qu'il endosse quand même le rôle du père, d'une famille d'accueil, il pleure, du bon père, et puis on apprend ça. Bah, l'affaire Patron, c'est l'affaire dans l'affaire. Ouais. Et ça, comme m'ont dit certains journalistes, là on a l'impression qu'on touche le fond. On croyait que Jessica était en sécurité dans sa famille d'accueil, et puis en fait non. Elle n'avait vraiment plus aucune épaule pour pleurer la mort de sa sœur. Donc Monsieur Patron a été condamné à 8 ans de prison. Et quand j'en ai parlé à Jessica, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises pour faire mon livre, je lui ai dit, voilà, c'est quoi pour toi, monsieur Patron? Est-ce que bon souvenir, mauvais souvenir? Et elle m'a dit, mais monsieur et madame Patron, ils nous ont tout appris. Alors j'ai dit, mais j'ai été surpris. Ouais. Et je lui ai dit, vraiment? Et elle m'a dit oui, on est arrivé, on savait pas bien lire, on savait pas qu'on se lave les mains avant de passer à table, on disait des gros mots, et monsieur et madame Patron nous ont donné le cadre éducatif qui nous a manqué. Mais elle était au courant pour sa sœur? Non, bah. je parle de Jessica. Oui. C'est-à-dire que c'est elle qui subissait les agressions. Oui, je veux dire, est-ce qu'on sait si Laetitia savait pour sa sœur? Parce que c'est Jessica qui subit, effectivement. On ne le sait pas. On sait que Laetitia, quelques semaines avant d'être tuée, écrit des lettres de suicide, des lettres testamentaires où elle dit autour de moi, il n'y a pas que moi qui mens. Cette phrase reste mystérieuse. Certains enquêteurs ont pu penser que cette phrase « il n'y a pas que moi qui mens » désignait des gens de son entourage propre, mais on ne peut pas en dire davantage. Et puis, ça fait partie de l'histoire et même aussi de la littérature que de respecter une part d'indétermination. Il y a des choses en Laetitia qu'on ne saura jamais, et peut-être que c'est mieux ainsi parce que il y avait une part de mystère chez cette jeune femme. Donc, voilà ce qui fait aussi le poids de souffrance humaine de l'affaire Laetitia, c'est que les choses sont toujours plus complexes que ce que l'on croit. Et voilà, Jessica, elle a tout perdu. Elle a perdu sa sœur, elle a perdu son innocence, elle a perdu son anonymat. Et d'une certaine manière, mon livre est pour elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue là aujourd'hui? Vous avez des nouvelles? Bien sûr. Jessica va bien. Enfin, oui. Autant qu'on peut aller bien quand on a eu, après quand on a vécu tout ça, quand oui, on a sûr. Traversé 4 procès d'assises en 24 ans. Elle travaille. Elle a une copine, des copains. Et voilà. Je lui souhaite le meilleur. Mais je suis surtout impressionné par sa force morale, par sa capacité de résilience. Et ce livre est pour elle, hein, dites-vous. Donc, je rappelle le titre du livre, Laetitia. Alors, il y a un sous-titre, hein, ou La fin des hommes. On aurait pu en parler, on n'a pas eu le temps. Au seuil. Merci infiniment, Yvan Jabonka. Merci à vous. Merci, au revoir. C'est Affaire Sensible aujourd'hui, Laetitia, l'affaire Laetitia Perret, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée à Pierre Lazareff et à la création du magazine 5 colonnes à la une. Cinq colonnes à la une. Mmh. Vous vous souvenez de ça, Vincent Josse? Ça nous rajeunit pas. Oh, j'allais le dire, oui. Bon, j'aurais pas pu le dire. Alors aujourd'hui, au programme. Ma première danseuse étoile, qui est aujourd'hui directrice de la danse à l'Opéra de Paris, c'est Aurélie Dupont qui est avec nous. Ah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.